100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne juste après Difool, comme chaque vendredi soir, 2 heures de son 100% rap français. Et une heure, on va la passer cette heure-ci avec monsieur Grodash de retour dans la nocturne. Yeah, mon gars. Comment va? Ça va et toi, Fred? C'est quoi les jeez? Eh ben, écoute, ça se passe plutôt bien. On est à quoi? 2 jours maintenant de la sortie? Ouais, 2 fucking jours. J-2, les gars. Va falloir aller choper la galette. Bandana et Purple Ace dans les fucking bacs. Yes. Bandana et Purple Haze. Yes. Voilà, avec une pochette qui va vous régaler. Qui va vous régaler. J'ai envie de dire. Et sinon, on peut déjà précommander ou pas? On peut y aller par exemple ce soir. Si on devient dingue des sons, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut précommander direct? Bah, si on devient dingue des sons, on se poste direct sur iTunes. On peut choper la précommande. Et faut savoir que sur la version digitale, il y aura 4 bonus, 4 morceaux en plus pour les internautes qui vont choper ça sur iTunes. Et voilà, donc 14 titres dès lundi, et vous aurez donc les premiers singles qui sont sortis en téléchargement. Si vous les prenez tout de suite, vous aurez JFK, Personne, Damela Genja et Gordon Ramsay. Et 4 bonus en plus, donc pas mal de sucreries pour ceux qui veulent choper ça sur iTunes sans précommande. Bon, donc ça c'est l'actualité pour Grodash. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur ces derniers mois? Parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, t'étais avec Rockin' Squat. Yes. T'étais en tournée, il y avait quelques dates de prévues avec Rockin' Squat. Ouais, on a fait plus d'une centaine de dates avec Rockin' Squat là sur l'année dernière et celle d'avant. C'était chambé, j'ai beaucoup appris, vu comment bosser le groupe Assassin au niveau de... Faut dire ce qui est, c'est une des plus grosses machines indépendantes qu'on a dans le rap français. Donc en tant qu'indépendant, j'ai beaucoup appris avec eux et je me suis enfermé en studio pour boucler ça. Après, entre-temps, il y a eu le Zénith avec Oxmo pour Sucre Pimenté Remix. Il y a eu quelques apparitions. Il y a eu le concert Open Bars de DJ Mist avec Youssoupha. Complet, c'était il y a quelques semaines de ça. Pas mal Mist de trucs. Qui est là, hein, qu'on ouais, peut bien sûr. Mais qui sera pas au platine, non, il vient en repos, en mode repos. Non, mais Mist. Juste envie de déguster du son, là. Mist, il est devenu 50-50, tu vois. Micro, platine. 50% micro, 50% platine. Donc, on a des artistes, des DJ bavards dans l'équipe. C'est ça qui est bon. Et bon, on le fera parler tout à l'heure dans l'émission, dans cette nocturne spéciale Grodash. Bon, un petit coucou aux Ulysse, comme d'hab aussi. Ou... Normal. Gros big up à tous les Tchekars. Les Avelines, les Bergères, Los Monzas, les Bosquets, la Nierdo, c'est quoi les G's, El Chantraine, Harlem, City Boys, c'est ça, donc toujours la source, dédicace à tous les quartiers du 9-1 qui sont à l'écoute, Corbeil, Grigny, Vigneux-sur-Seine, voilà, on a toujours représenté pour le 9-1 outrance et c'est pas maintenant qu'on va s'arrêter. Allez, coup d'envoi de cette nocturne, c'est Grodash qui prend le contrôle, il y aura du live, il y aura des extraits de cet album qui sort donc lundi, Purple Haze, Bandana et Purple Haze, qu'on découvre avec un morceau qui s'appelle JFK maintenant. Coup d'envoi, on y va? Yes, on balance ça. Planète rap, 100% explicit. Je garde toujours une balle pour mes ennemis. Je partirai sûrement comme un Kennedy. Les moquettes de mon route, celles qui font les Jesus. Je partirai sûrement comme un Kennedy. Pas comme Scarface, né dans la cour. Plus de 10 années que je kick cette merde. Bientôt 10 balais que ma clique excelle. Bentley vite teinté, mon gauche vise le ciel. Pire qu'un Libanais, frérot, je kiffe l'oseille. On a poussé comme tête, chercheuse de cette easy money. Donc on triche pour que les portes s'ouvrent illico. Mec défoncé à la locale, subit la vie d'un local. Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Maintenant je défie le hasard. Un jour tu parles, l'autre jour t'es dead. Mort. Puis l'ultime, j'en ai buté des pochons de weed. Ramassez vos centimes, arrête ton rap trop gentil. Des vieilles faces de romantique, faut pas se clamer authentique. Si t'as tendu le charme du ghetto pour partager ton sandwich. Mais super attiré par la street, l'odeur de ma vie, les samples tristes. Super attiré par le crime. J'garde toujours une balle pour mes ennemis. Skyrock, Mogan, c'est le 9-1 qui s'empare de la radio. JFK, l'album, il est disponible 31 mars, dès lundi, Mogan. Bandana et Purple Ace. Ceux qui font les G's aussi. Je partirai sûrement comme un Kennedy. Pas comme Scarface, né dans la coque, mon gars. Avant du 7, cagoulé, cloqué, plein fils de pute. Ambiance à 8-7, et j'parle pas d'une ligne de bus. T'as la langue pendue, ça tombe bien, j'crois que les flics recrutent. T'as la main tendue, rapproche-toi plus que tu pisses dessus. Il y a de salopes, plus on trinque, y'a trop de traite dans l'industrie. Plus on charbonne, plus on grimpe, même si on trempe dans l'illicite. En 2013, tolérance c'est le message. Métrosexuel devient le swag, homophobe et je me soigne, mon gars. Rip encore, attends la chute. Si je t'ai blessé dans un rap, c'est qu'on a la rime qui charcute, mon gars. J'rage des couplets, comme sur une boule, depuis l'époque mineure. Dernier couché, premier debout, comme un drug dealer. On a plié des MJC, des mecs musclés, qui déboulent à la casse usée. Après l'état à la usine, bien. Super attiré par la cisse, l'odeur de ma cisse, les samples tristes. Super attiré par le cri. J'garde toujours une balle pour mes ennemis. Fais gaffe aux traites, protège ton dos. Protège ton dos, négro. Tirez sûrement comme un Kennedy. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dans quoi un love pour me réjouir. Les moquettes de mon route, celles qui font les G's aussi. J'partirai sûrement comme un Kennedy. Pas comme Scarface, né dans la cour. Pour une balle, pour le dernier flop. Un, tire sur un autre manga. Bandana et Purple Haze, les gros. C'est dans les bacs le 31 mars. C'est juste lundi là, négro. Faut aller choper la galette. C'est quoi les G's? Planète Chizo. Explicit lyrics. C'est ça. C'est que du love. Tu l'entends? Yoka la bandana music. Écoute ça doux, ça. Relax. Un jour dans une grotte, j'ai trouvé une parole d'homme. Depuis je touche le monde car j'en ai fait une parabole. Je veux comprendre tous ceux qui se tapent pour s'unir. Avec le prétexte que rien faire c'est subir. Tous les parcoureurs de globe sans aller au bout de leurs idées. Quand ça chipote, combien te lanceront, j'y vais. J'attends qu'un regard s'allume, on part sur une île. Soyons hors ligne, connectés, munis d'une vision remplie de légèreté. Au gré des hauts, des bas, les verts, des pas mûrs, finir par s'épanouir. Des crochets, des pétales, en faire une armure. Quand on blesse, quand on saigne, même c'est pour de vrai. Parle-moi d'amitié, l'écoute, c'est fait nous rêver. On va nulle part sans personne. Personne, personne, personne, personne. Tu n'es personne. Max mon Puccino dans le building, papa, yes. Pour faire du bec, qu'est-ce que tu fais? Personne, personne, personne, personne, personne. Avant ma première fois au mic, j'étais nobody. Grosse babine pleine de phases, mais c'était trop facile. T'as mis 10 000 que j'y arriverai pas, de quoi tu causes papy? Si t'as du flow, on se retrouvera, monsieur Hawks l'a dit. Les vrais bonhommes tiennent parole, mais à l'époque, dans mon RERB, je me sentais bien carotte, mon gars. Plongé à 20 milieux sous la mer. Dans tes pieds, pu défaire tomber, puis retomber pour de la neige. T'es personne si t'as pas vu que les crapules dirigent. T'es personne quand ça défouraille, ça tire sur civil. T'es personne avant que t'aies vu ton gajon mourir. Avant que t'aies vu une caille bisouille. Avant que t'aies vu la statue du cul. Vis tes rêves, frérot. Vise des fraises, personne va te faire la courte échelle. Vu que c'est pas Disneyland. J'ai pris du poids comme le pied de Puccino. Suis ton dream, passe des autres pour pas finir en Punjimbo. Quand on blesse, quand on saigne, même c'est pour de vrai. Parle-moi d'amitié, l'écoute, c'est l'effet nous rêver. On va nulle part sans personne. Personne, personne, personne, personne, personne. Tu n'es personne. Allô, allô. Anonyme, mais ta rime pourra perdurer. Lâche pas tes mangas pour faire du blé. Qu'est-ce que tu fais? Personne, personne, personne, personne, personne. On n'est pas sans personne. Comme Dash, j'attends mon heure et ça va si vite que j'ai cassé l'aiguille, c'est ça mon bonheur. J'trace, carpe diem, loin de ton maître au boulot dodo mogo. Time is money, parole de cadeau, go bien bien songo. Je suis bien qu'avec mes proches. Prends la vie, telle une cloche, trop tard dès qu'elle sonne. On n'est nulle part sans personne. Soirée, carpe diem, loin de ton maître au boulot dodo. Quand on blesse, quand on saigne, même c'est pour de vrai. Par madame, c'est l'écoute, c'est l'effet nous rêver. On va nulle part sans personne. Personne, personne, personne, personne, personne, personne. Tu n'es personne. Allô, allô, anonyme, jamais ta rime aura perdu. Yeah, mon grand. 91 est dans le building. La nocturne, c'est quoi les bails? Rodage des hauts. Quand on blesse, quand on saigne, même c'est pour de vrai. Parle-moi d'amitié, l'écoute, c'est l'effet nous. On va nulle part sans personne. Personne, personne, personne, personne. Anonyme, mais ta rime pourra perdurer. Lâche pas tes manques pour faire du blé. Qu'est-ce que tu fais sans personne? Personne, personne, personne, personne. On n'est pas sans personne. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. À tous les boucs du 9-1, ce morceau il est pour vous les négros. À tous les négros des quartiers. Tous les mecs des quartiers chauds. Nord, sud, est, ouest. Paname, c'est quoi les G's? Est-ce qu'il y a des gars qui aiment le gros son par là? Ouais, je fais boucle du 9-1, la fête du bruit, c'est quoi les G's? C'est quoi les G's, quoi les bails? CV, CV, parlez vrai! Oui! Alors? Morgan? Yes! Je suis le dernier du clan Kennedy. Né pour gérer tous les ennemis. Trop warrior pour être à Urban Peace. Mais vous êtes fous, manga Benny B. Oui. Putain d'époque, quelle idée de devenir parent. Putain d'école, 900 murders, 40. Dans nos crânes, manga, ça tourne pas rond. On a des flingues silencieux comme le daron. Je marche avec les mêmes depuis une décennie. On défonçait des mecs de quartier chaud, on avait 16 et demi. Ça fait mal quand l'assiette se vide, non. C'est bizarre comme la cesse divise. Tu veux me croiser dans une grande pavanance. Négro, je sors sûrement de studio négro. Je rentre pas de vacances. Anna Montana, Anna Montana. Vas-y, danse ta la blanche. Mais si t'as le booty, y'a Miley Cyrus. Tente pas ta chance. La rue qui blesse, ça fait longtemps que je l'ai. Il rappe d'anus, le public contente de merde. Ramène ma bonne bande de necks. Une constance de fer, tu veux du magic, ça tombe bien. Je reviens de Los Angeles. On a passé l'âge des gardables. FMV c'est le hashtag. Elle est seule, rappeur français boosté par les Rastapasta. Apprécie, c'est comme le premier pélo. Yeah, grosse piatte sur un queen size, donne le pilo. Yeah, massa, ça sent le sac à dans mon quartier de Bélos. Yeah, j'planque ma salade dans des paquets de kilos. Si tu traînes avec ma team, faudra blâler les poumons. Pas de coca dans mon jack, comme Breda, mes bourreaux. Pas de tabac dans mon yak, smoga dans mes bourreaux. Dans mes bourreaux, smoga dans mes bourreaux. Si tu veux passer le message, rajoute pas de refrain pourri. T'as mes bourreaux, cheesy, cheese au Gordon Ramsay, le bourreau. Puis le collectif, mon objectif, c'est ramasser. Rien que je roule des spliffs, il pleut du bif, je vais pas lâcher. Ouvre pas ta chatte quand j'ai le gosier arraché, poteau. Je pourrais être rangé dans mon dossier à clasher. Yeah, Bandana et Purple Haze, négro. C'est le troisième album, négro. Ça arrive dans les bacs, dès ce lundi. Va choper ça, Fnac, Virgin, Leclerc, c'est quoi les G's? Yeah. Le 9-1 est dans le fucking building. On vient récupérer les titres, les mongols. On vient récupérer le drone. Purple Haze. Vodka Bissap, manga. Purple Dream. Mied. Flyman. Manga. C'est la nocturne 100% rap français avec Gros Dash au contrôle de la nocturne. Il est là avec nous ce soir, avec du monde qui a débarqué aussi pour cette nocturne. Yeah, yeah, yeah. L'équipe du 9-1 s'est pointée. Les Zoulous, les soldats. Yeah. La même équipe. Toujours. Toujours la même équipe. Toujours, on change pas une équipe qui gagne. On change pas une équipe qui gagne. Le 9-1, on avait pas mal d'avance déjà depuis pas mal d'années sur certains flows, certains trips et tout. Donc là, c'est le moment de se montrer solidaire encore plus. On écoute les premiers spliffs à l'instant. Yeah. Extrait du projet Bandana et Purple Haze. Ça, c'est l'entrée d'album. Ouais. Tu vois, l'introduction. T'ouvres l'album, t'enlèves le petit cellophane, t'ouvres ça, tu sors ton petit paquet de feuilles à rouler, le petit grinder. Et c'est parti. Et c'est parti, tu mets play quand t'es prêt, Saman. Il y avait aussi un morceau important qui s'appelle Personne, puisque c'était, je dis important, parce que ça a été le premier celui-ci que t'as balancé, non? Ouais, ça a été le premier gros single. Il y a eu le single 0 JFK ouais, avant, aussi, qui ouais. était aussi disponible sur la mixtape Crème de la Crème, toujours disponible en téléchargement d'ailleurs sur iTunes. Et on a envoyé la dynamite directe avec Oxmo Puccino. c'est un morceau qu'on devait faire depuis longtemps. Et voilà, on a concrétisé ça sur ce projet. Bon, on fera du live un peu soir. Enfin, tu feras du live un peu soir. Yeah. J'ai ramené quelques kickers aussi là. Il y aura du live, des morceaux en live. Il y aura du freestyle. Ça va être relax. Bon bah bougez pas, c'est la nocturne, c'est Gros Dash qui sort donc cet album Bandana et Purple Haze lundi. Yeah. Lundi 31, qu'on peut précommander tout de suite hein, si vous avez kiffé les trois morceaux qu'on vient de passer, hop, vous allez cliquer, vous récupérez Bandana et Purple Haze. On repart sur quoi Gros Dash? On va se faire qu'est-ce qu'on pourrait se faire là dans l'ambiance? On peut se faire le Yemogo remix hein. OK. Avec tous les soldats du 91, c'est un gros smoker. Son. Ouais, Jack Manny, Maestro, Juicy Malcolm P, Fix. Malcolm Fix qui est arrivé dans le building. Il est là. Le book des municipales, c'est lui qui va mieux t'expliquer pour ce qui s'est passé sur les Ulysses là et tout. Zeque Ramos, La Carabine, Steve Austin. Yeah, Popo. Popo, qui on a oublié, Juicy. Zeque Ramos. Juicy P, ouais. Juicy P, ouais, tout le monde. Ouais. C'est le morceau spécial 91. Comme on voudrait qu'il y en ait dans chaque album de mec du 91. On avait fait 80 Super Tuck dans l'album Vrai dans le jeu de LMC Click. Et là, c'est le Yemogo remix avec tous les Mogos. C'est parti maintenant dans la nocturne. Spécial Gros Dash au contrôle de cette nocturne sur Skyrock. 9-1, cousin, c'est 9 nouilles en corde. Et sur le champ, une farce, c'est l'anus. J'ai dans la gorge les cordes d'un Stradivarius. Oh oh, je pichonne mon instrument. Ça, c'est l'exclusivité, mon gars. Je traîne sur Chili Kane, j'ai une piole sur ma cipade. Artiste incompris, puis grave-moi l'astuce, t'en donne un bon prix. On fera partie des bestes quand ils feront le tri. Je les ai charmés, pourtant, je suis pas si bel homme. Et j'ai cette voix qui ronronne comme le Bugatti Veyron. Dans le sud, c'est l'Afrique, c'est pas Atlanta. Chicha aromatisé aux épices de Casablanca. 80 musique, la rue chic de tes enceintes. C'était mon mogo, Kratouniak, c'est tape mon sein. Je te dis ça, guy, t'as le remix, c'est plus sale mogo de Paname. Capital du sens, pique pas nos slang, espèce de flanc, côte ta race. Capital du boum, boum, quand ça sent la popo parle. Capital des dossiers de ta bite, j'en ai même des photos de Carla. Bandieux sud, preuves, t'avas sur les guises, qui. En cœur, parpaing sur les villes, si, la fin super belle, balance sur une cuisine, bitches, j'ai de la bonne purple, catin suivez, cheesy. Ils veulent copier le juice, mais connaissent rien des jeans, mon corps. Pour tous les forks, écoutez comment ça sonne, mon corps. J'ai mon corps. C'est ça les jeans, mon corps. Les seuls, c'est la street, mon corps. J'rappe pas pour le fric, mon corps. J'suis au-dessus de toi, négro, normal, j'suis dans les airs. Je suis plus. De mon secteur s'exporte, appelle nous DHL. Drug dealer, sur les bords. Cop killer, pas de suiveur. Sur le track, que des leaders. Pas de loser, que des winners. Dash dealer. Qu'on vient à la table, que des bouchetteurs. C'est les bails de Kina Kina. C'est les bails de Negro Ramza. C'est les bails de Chicks, on checker. Fuck les chicken shake, check ça. Yeah, mon gosse, s'il y a pas de flancos, tu joues les stockers. C'est les bails de fuck you motherfucker. LMC clip dans la maison, papa. Le manque de cash a fait que les jeunes des blocs. C'est quoi les bails, c'est quoi les jazz. Parce que c'est les grosses pelles qu'on est cop. Dans la street, les jeunes teasent, maîtrisent. La big rap de bis, c'est la crise. Tu vis dans le rêve, dans les sons, la vie est grise. La méguisée, la méguisée, le rouge dans le rétroviseur. Whisky, les assises, c'est le teaser. Comprends qu'on garde un œil dans le viseur. Succès PK tout d'un coup, oui. Écoute-nous un coup, oui. Pushka ou Nunchaku sur les MC qui font de la housse. C'est pour tous mes books, roots comme tout pas chaque cours. Pas ceux qui finissent en balle comme au Moulin Rouge ou un clip de True Life Crew. 80 en Uzi, les Ulysses c'est mon Uzi. Trafic en gros nez, Gucci, entrée hip-hop. Amour et haine, Evry, Green et Corbeil. Morling, Massy, Long Beach, travailler, tente, sa vie divine sur scène, mon gars. Ils veulent copier le juice, mais connaissent rien des jeans, mon gars. Pour tous les forks, écoutez comment ça sonne, mon gars. J'ai mon corps. C'est ça les jeans, mon gars. Les seuls, c'est la street, mon gars. J'rappe pas pour le fric, mon gars. Ils veulent copier le juice, mais connaissent rien des jeans, mon gars. Pour tous les forks, écoutez comment ça sonne, mon gars. J'ai mon corps. C'est ça les jeans, mon gars. Les seuls, c'est la street, mon gars. J'rappe pas pour le fric, mon gars. Dans mon 91, on s'endort tout en rêvant de tonnes. Garde le bras. réponse, donne-nous l'or et aussi la réventonne. On neutralise leur code, le beat arrive, on le cogne. Juste avant que leur sonne, on brutalise leur prod. Dévalise leur coffre, minimalise leur code. Yeah, mon gars, on est un pour qu'ils invitent leur code. Dis au décompte, ce serait une balle, le vis-à-vis de leur porte. On est condamné dès le départ, sans bas de la vie de leur prof. C'est quoi les diggity G's? C'est quoi les biggity boys? C'est M.I. Craig, tu me laisses être l'escadron pour mon putain de nigraille. Gros, tu découvres rien, c'est que du lourd. Tellement ça fait plus, trop de putain d'acteurs. Merde, c'est ridicule. Si j'étais ventriloque, je te dirais. C'est toi-même que ton cul. Homme de l'ombre, on vit la nuit. T'as vu ce qui tombe, c'est pas de la pluie. Rien que ça se plombe, mec du bled, je tombe pas malade. J'ai bu l'eau du puits. Illégal projet, illicite produit, attentat. Tu dois des thunes, tu nous payes tout de suite. On n'attend pas, l'état, les lois, on s'entend. La pas. Carabine, mon gars. On passe pas en cause, pas au corps. Les prolos sont perdus comme dans l'os. Tu pilons de la polia dans le corps. La bulle carrage, je suis gros pétard, chez le marchand d'or. J'ai tout capté comme ton rap et sa parabole. Envoie la molle et vite. 3-8 calibre, Blue Magic Code, pilote Sébastien Loeb. Pendant que tu galopes, tu manges des calottes, en plus des carottes. Victime, c'est le 9-1. C'est pas à nous que tu vas taper la teuf. Des poules à devin. Bref, tu connais le refrain en vrai. Ils veulent copier le juice, mais connaissent rien des G's, mon gars. Pour tous les forces. Écoutez comment ça sonne, mon gars. Yeah, mon gars. C'est ça les G's, mon gars. C'est la street, mon gars. J'appends pour le fric, mon gars. Si, chacal. Lyrics fatal. Mystique rap sale. Victime avale, capitaine cavale pendant que je visite la salle. Ça finira mal, y aura du liquide anal. Salope. Anti-visage pâle, au physique banal. T'envoie 10 000 rafales de digital bac. Ici bas je râle. Plutôt que de voir un striptease d'amal, je préfère me faire un mini casse-dalle. Pyramide épinette. Grigny canal sur la route du 402, je me dirige à cheval. Équipé de missiles par balles, pain plastique, sabre tranchant. On exploite nos mauvais penchants. Ouais. Renvoie le terrain contre rep, renvoie le tépin contre l'aide. C'est quoi vigno correct, la coupe de Nino Torres. Précis comme une vasectomie pour tes petits poches. Zekwe avec Tony, laisse tes parties ton obsesse. Sachez qu'on aime les gros culs, les cuisses au dos dur. Injecte et récolte le bénéf, faire de l'autotune. Esquive la focus, demande à Dash ou à Jonathan. Ces salauds d'argent veulent nos têtes sur un plateau d'argent. C'est le son pour les oui mongols. Alors tout le monde les mains en l'air, les mains en l'air. 91 les gangsters. Si t'as cru arrêter mes mots, que déterminer mon pote aura les nerfs. Parce qu'on arrive en force, frère. Mais qu'on bosse qu'avec les bestes. Mais pas mec, si tu veux test. On vient plus fort, t'es plus fort. C'est plus toi dans le game. Mais nos rimes deviennent plus lourdes. Alors bien côté comme la Bédie. Représente mon gros gros d'âge. Plus devant devenir poésie, yeah. Ils veulent copier le juice, mais connaissent rien des G's, mon gars. Pour tous les forces, écoutez comment ça sonne, mon gars. Yeah, mon gars. C'est ça les G's, mon gars. Bandana et Purple Haze, mon gars. C'est dans les bacs lundi. Ils veulent copier le juice, mais connaissent rien des G's. C'est le 9-1 sur Skyrock, c'est gros d'âge des halls. C'est les Ulysses, c'est Los Monzas. C'est Ultimatum. C'est ça les G's, mon gars. C'est la banlieue sud, man. Pour le fric, mon gars. Et c'est la nocturne avec Gros Dash au contrôle de cette nocturne. Lourd. Avec un extrait, gros extrait celui-ci. Yeah, gros extrait, c'est le morceau le plus long de l'album. Normal, fallait ramener du monde, fallait ramener les gars qui kickent chacun de leur côté, chacun dans sa discipline, chacun dans son karma. Mais quand on se retrouve ensemble, on arrive à donner des titres explosifs, un peu comme 80 Super Thug ou d'autres qu'on a déjà fait. Bandana et Purple Haze, ça sort lundi dans les bacs. Yes. Avant de continuer à découvrir cet album en live maintenant, si tu veux bien. Ouais, on peut se faire Gordon Ramsay par exemple. Bah ça aussi, il est aussi sur l'album. Yeah, le clip il est là. Lundi. Le clip il est dispo, le clip de Oxmo aussi qu'on a tourné à Ibiza, il est dispo, le clip de JFK, il y a pas mal de clips qui ont déjà été tournés, il y a des clips encore qui arrivent. On a vraiment beaucoup bossé avec l'équipe Flyman Films pour donner des clips de qualité avec des paysages qui changent. On est parti à LA, à New York, à Ibiza. Voilà, c'est un album indépendant mais avec du lourd derrière. Et avec du voyage à l'intérieur. Voilà, des cartes postales. Allez, on y va ? Yes. Ils font tous les élèves, moi c'est le prof. Quand je roule en Benz, écris tous motherfuck par Mazel Tov. On a des refrains de tarés, yeah. Les vôtres sont claqués, yeah. Cauchemar en cabine, Mango appelle Gordon. J'ai mon équipé en 4 draps, je peux les gérer. Trahis l'éthique, mange une tarte pas, c'est les gleurés. Là du liquide sort un 4-4, je vais écœurer. Brave patte, se apeuré, je crache Vlad, feu les quemés. Je finirai jamais à 4 pattes, bande d'enculés. Je t'ai peut-être balancé 2-3 tchatchs pendant que je buvais. J'ai mon attitude même sous un bandana. Tu sais qui c'est, comme Alka, sucé, rap sale, dirty, dirty. Pas de ceux qui se la boucle en face après se relâche sur Twitter. Rien que tu craches des blasts, t'as vendu la mèche Justin Bieber. Traîne qu'avec des sales mangos genre RT dealer. J'kick le bine et prends les têtes de cœur du Smiller. Dis au bout que je suis busy, j'pose des bombes unies. Femme commando cheesy, fuck le monde. En mode Biggie. Parlement, shut the fuck up, tu vas nous couper. Parlement, ils font tous les élèves. Moi c'est le prof, quand je roule en Benz, écris tous motherfuck par Mazel Tov. On a des refrains tarés, les vôtres sont claqués. Cauchemar en cabine, Mango appelle Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, je mets mon prochain dans la gorge des MC. Gordon Ramsay, je fais mon prochain dans la gorge des MC. Ralentir un peu le délire pour que tu captes. J'devrais, je sais. À mentir, faire le bénéfice, gérer du cash. Full fric au frais. Une jambe dans le jean, l'autre dans le jean, Jason. Tout schizophrène. Quand on sort la faille, money pour une bouteille. Poussi au fer. Casse pas ta misère sous le fond de taille, y'a pas de cendrillon clair. Si ta bouche traîne dans tous les coins, ton joint, tu le cries en solo. J'ai me tatouer Black Cahuzac et Ké, million d'euros. Rien à foutre, on vit qu'une fois. Yeah, lundi Purple Haze, bandana musique, gros tâche des halls, chisel, le 9-1 revient prendre le contrôle du rap game. À nous gober par le manche. Ils font tous les élèves, moi c'est le prof. Moi c'est le joueur en Benz, écrit tous motherfuck par Mazel Tov. On a les refrains de taré, les vôtres sont claqués. Cauchemar en cabine, Mango appelle Gordon Ramsay, je suis Gordon, je fais mon prochain dans la gorge des MC. Gordon Ramsay, je fais mon prochain dans la gorge des MC. Yeah, bandana, purple, hey, c'est la team, sans la sur Skyrock et motivation. Sentez un gros d'un chisel, le 9-1 revient prendre le contrôle du rap game. Le live à l'instant, Gordon Ramsay, c'est aussi un extrait de ton album Bandana et Purple Haze. Yes. Dès lundi dans les bacs, en live à l'instant sur Skyrock. On envoie cette dope sur une prod de Sonar, mon book depuis des piges. Ah, tu t'es auto-censuré. Auto-censurage. M'amène Sonar, dédicace à lui-même depuis des années, depuis les années Illégal Musique, J'attends mon heure et compagnie. Voilà, donc ça fait plaisir, il nous a fait une grosse fucking prod et là c'était le live avec Ish et DJ Mist en boost et m'amène Biggie Moss. On repart sur quoi, Grenache? Là on va s'envoyer Damela Genja, DMLG. Ok. On va s'envoyer ça, c'est le dernier clip qui est sorti, il vient de sortir il y a quelques jours, disponible sur YouTube. Voilà, on deal cette dope, on deal ces CD comme des packs de weed, you know. Donc allez vous recharger les mecs. Si vous avez plus de zeb, ça se passe lundi à la Fnac. Yes, Damela Genja. Extrait du projet de Gros Dash, Bandana et Purple Haze qu'on découvre cette semaine, ce soir dans la nocturne, 100% rap français, Gros Dash au contrôle. Un petit mot aussi sur la version, juste un mot sur la version collector qui sort aussi dès maintenant, si on peut la précommander, hein, Gros Dash. Ouais, il y a la version collector avec 4 titres en bonus, dont un featuring avec Rockin' Squad qu'on va se passer là tout à l'heure. Et ouais, voilà, c'est la version de luxe, hein. Donc tu chopes ça en précommande dès maintenant sur iTunes, tu tapes Gros Dash, Bandana et Purple Haze, et voilà, tu télécharges le bail. T'auras les premiers extraits, les premiers singles en mode JFK, en mode personne avec Oxmo, en mode Gordon Ramsay qu'on vient de te jouer, et en mode aussi Damela Genja qu'on va jouer là tout de suite à l'instant. Et le clip est bien sûr disponible, réalisé par Flyman Films, Alma Manezo, YKO, c'est quoi les G's, Destin, c'est quoi les bails, Yes, RC l'Oracle, toute la team, Seb, c'est pas les G's. Damela Genja, Dédicacé à toute ma fucking team, Flyman Vision FMV dans le fucking building. Cette idée, What's the G's, RC Lorac, Alma, Ico. J'étais en ville, investi sur une arme, pas dans les bouquins. Garde le Bangala solide comme mes Dominicains. La strip nous réclame ses mixtapes, packs de weed. On veut de l'or, vendons l'air, max de fric. Dame, da da da dame la Kenja. Dame, dame, da da da dame la Kenja. Dame, dame, tu peux le chanter dans ta go. Si le rap rapporte ta vie, on va te lancer dans la go. Dame, me check pas de l'épaule si t'es pas mon vrai négro. Bouge pas trop sur la liasse, on compte le bénéf négro. J'apporte un produit pour le peuple. Canette, kebab, tic-tac, boum, bras explosé, ralette, quel calme. Nouveau missile, nouvelle bombe, ton bras a pris du beat. Flyman, FMV, musique, souvent l'industrie du 10. Bénéf, qu'est-ce que tu dis? Pétasse, fait du bif, faudra t'écarter du bis. Une plaque et j'déboule vite, une claque et j't'étourdis. J'étais en ville, investi sur une arme, pas dans les bouquins. Garde le Bangala solide comme mes Dominicains. La street nous réclame ses mixtapes, pack de weed. On veut de l'or, vendons l'air, max de fric. Dame, da da da dame la Kenja. Dame, dame, da da da dame la Kenja. Dame, dame, tu peux chanter dans ta go. Si le rap rapporte rap, viens on va te lancer dans la go. Dame, me check pas de l'épaule si t'es pas mon vrai négro. Bouge pas trop sur la liasse, on compte le bénéf négro. J'apporte un produit pour le peuple. Canette, kebab, tic-tac, boum, bras explosé. Ralette, quel calme. Trafiquant de rimer, le diplômé. Calibre dans le jean, gros, faut pas déconner. Dame et la Kenja, banlieue sud gangstas. Qui se pose avec des grandes dames, pas de salope, blanche dame. Dame, dame et la Kenja. J'ai fait un rêve, c'est Robin Hood, maintenant faut armer mes Kaira. J'irai voter défoncer, 3-4 pochons dans les burnes. Des politiciens marionnettes, la gauche, la droite, m'en bats les yeux. La street nous réclame ses mixtapes comme des packs de weed. On veut de l'or, vendons l'heure qu'on fasse un max de fric. Ramène ces brebis que je les rassure comme un pasteur riche. À cause d'Olifix, tu nos limites, masterpiece. J'étais en ville, investi sur une arme, pas dans les bouquins. Garde le Bangala solide comme mes Dominicains. La street nous réclame ses mixtapes, packs de weed. On veut de l'or, vendons l'air, max de fric. Dame, da da da dame la Kenja. Dame, dame, da da da dame la Kenja. Dame, dame, tu peux chanter dans ta cause. Si le rap rapporte rap, viens on va te lancer dans la coupe. Dame, dame, da da da dame la Kenja. BPH, bandana et purple ace. Les t-shirts sont disponibles sur t-shirtipop.com. Va te relaxer, mon gars. Dans ta coupe. Yeah. Si le rap rapporte rap, viens on va te lancer dans la coupe. Dame. 100%. 100%. Planète Rap. Ça, c'est le brand new Juicy P en exclusivité internationale, international shit, mon gars. On fait cette maille, on fait cette maille, mon gars, c'est pour ça qu'on bosse. Si tu penses pas pareil, dis-moi pourquoi toi tu bosses. À quoi bon sortir de gun si tu sais que tu vas pas tirer? Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier? Fais cette maille, fais cette maille, tous les jours, chaque euro gagné, t'as pas vers la sortie du trou. De quoi tu me parles? J'ai 15 coups, et t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. J'ai 15 coups, et t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Qui kick pas, c'est son du gunshot. J'ai 15 coups, et t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Ces négros sont des shots, on se doit de les shooter. Gunshot, je les vois chuter. Je les vois décaler. Pierre combat. Exécuté par plusieurs, soupçonné d'être des trous de balle. Quand je barotte dans le ghetto, pas de mytho, mon gosse, à qui je suis négro. Je suis dans un délire de cowboy, j'aime les guns au champ. Monte les négros en l'air, on les descend en bang bang. Ouais, c'est trucidant. Comment je rappe? Transcendant ta toi la charge, yeah. Certifié vrai. Fais pas Zermatt, t'es choqué. Écarte les cuisses, la bite dressée. Je viens tout par choquer. On fait cette maille, fais cette maille. Tous les jours, tous les jours. Chaque euro gagné, yeah. T'as pas vers la sortie du trou. C'est fou. De quoi tu parles? De quoi tu parles? trop vrai dans le jeu. Émeraude dans les yeux de ces putains haineux. Tu finis l'époque, on se faisait hagal par les plus vieux. T'as la Corée du Nord, Mogo, on est pédicule. Transformation, métamorphose, Naruto, neuf que. En mode Kubi, Mogo, viens pas test ma force de feu. Le homicide, Missa Wallace feu. Mon frère Bida et le G.I. veulent sur moi depuis les cieux. Et tu sais que je royalise chocolat et beurre. Et tu sais que pour monter, je fais ce qu'on peut. Ce qu'on peut. A défaut de pouvoir vivre comme je le peux. Je suis sur le terrain dès le matin et je compte les heures. On fait cette maille, fait cette maille tous les jours. Chaque euro gagné d'un pas vers la sortie du trou. Ça qu'on bosse. Elle aime ce clic de GC, la famille. Dis-moi pourquoi toi tu bosses. À quoi bon sortir de gun si tu sais pour qui je représente. Pourquoi vendre de la drogue si c'est pas pour quitter le quartier. Elle aime ce clic de GC, la famille. C'est la nocturne 100% rap français avec, bah tu veux nous dire un mot là-dessus, Grandage, sur le morceau. C'est le brand new Juicy P. Attends, il va t'expliquer c'est quoi les jeans. Si j'ai bien compris, ça sort le 2 juin. C'est ça les bails, ça arrive au mois de juin, la famille, normalement, si tout se passe bien. Ça, c'est le premier extrait de Certifié Vrai 2, épisode La plaquette, la famille, ça arrive normalement pour le mois de juin. Le prochain, le titre, il est extrait de la mixtape, t'as vu. Normalement, le titre, on le sort là normalement, le 2 avril, c'est ça. Ça arrive le 2 avril. Voilà, le titre, on le sort le 2 avril. Ça, c'est une exclusivité pour mon putain de gars. Rodage des halls, mon frère, 9-1, CV, parlez vrai, la famille. On est ensemble, frérot. C'est la nocturne avec Grodage au contrôle. Avec des invités, tu veux faire un peu le tour de table, Grodage? Saluer qui est autour de toi. Ouais, on va faire un petit tour de table, là, ça va être bien. Déjà, il y a ma main Malcolm Fix, le maintenant. Frérot depuis toujours. The First, c'est quoi les G's? Introduis-toi, ma main. Allô, ouais. Ça va? Ça va, Fred, ou quoi? En forme? Ouais, bon, on est là. C'est le projet du frère Grodage. C'est le 91 qui réunit Evry, Grigny, Corbeil, les Zully, Massy, Longjumeau. Voilà, tout le monde, tous les quartiers du 91 doivent soutenir Grodage, comme ils ont soutenu Ultimatum, comme on soutient LMC Click, DGC et tout ça. C'est une grande famille, voilà. Eh bah écoute, bienvenue. Merci à vous, merci. Le compère va bien? Le compère va très bien. Gros big up à mon frère Pekker, à sa famille, à mon frère Bobby, à mon Boug, DJ Mist, à mon ref PO, tous les mecs des Ulysse qui écoutent Grodage, qui suivent Grodage. Grodage, Fix, Pekker, ceux qui connaissent, c'est la même famille. Hein. Donc y a pas de souci. Bon bah bienvenue à toi. Hein. Merci. Continue ce petit tour de table. Yeah, y'a ma man Ish aussi qui est là dans le building. Aïe, c'est ça. Non, c'est l'autre micro, alors vas-y. Ah. Voilà, c'est bon. Yeah, tu m'entends? Parfait. Ok, 2ECH, hein, le label Flyman avec Dash, là, hein, depuis quelques temps déjà. On envoie le feu et on montre ce que c'est que le 91 en termes de rap. C'est le principal, c'est tout ce qu'on veut. Merci beaucoup. Aïe. Yeah, Mr. Biggie Mosda, qui est là dans le building, un jeune artiste de Grigny qui fait pas mal de buzz en ce moment là. Biggie. Moi c'est Biggie Moss, je suis venu avec le refrain Lioud. C'est le deuxième membre de mon groupe 350 Bunker. On est venu soutenir la famille et Mitraël putain de freestyle. Et bah oui, il va y avoir un gros freestyle. On attaque quand d'ailleurs le freestyle? Juste après, on va se passer encore peut-être un dernier bail, tu vois, son. Un dernier petit son et après on va enchaîner. Hein. Donc il y a aussi ma main DJ Mist aussi. Ouais, j'ai vu, il est là tout posé. Mister de la légende. Yeah. Ça Mist? Ouais, ça va, comme d'hab. Quelles sont les prochaines sorties pour toi, Mist? Il y a mon projet à la demande générale qui arrive. Il y a Open Bars, concert où j'arrive à réunir pas mal d'artistes. Donc le prochain, c'est quand? La date est encore secrète. D'accord, mais avant l'été. Oui, avant l'été. Mais de toute façon, la date à retenir, c'est le 31 mars. Le lundi, 91 lundi. Vient reprendre le contrôle du rap game. Shizzle. Yeah. Donc là, on n'a pas le temps. Avec Grodage au contrôle. La même Mist, ouais. Hein, avec qui on a fait pas mal de trucs, pas mal de mixtapes depuis l'association 2019. On a charbonné, on a fait pas mal de freestyle et tout. Et aujourd'hui, il bosse avec l'équipe Beaumaillé et tout ça, mais. C'est la famille, c'est pareil. La famille. On charbonne, on fait toujours les sons. Les gens, ils aiment bien nous voir ensemble. Ça leur donne des frissons. Alors le frérot il est là, il booste. J'ai vu qu'il y a Cozy d'ailleurs justement derrière Patrick. Hey, Cozy Z de retour. Mon Niama is monsieur back. Cozy de retour. Je vous ai ramené le Niama, super Niama. Fredo. Ça va? Ça va mon frère. Bah et toi, ça fait plaisir de te voir. Ouais, même moi, hein. Ça fait plaisir de voir les frères Gros Dash. Ça sort lundi. La team Niama, la team Shege, allez soutenir, allez. Cozy a noté, vrai frérot. Voilà. Dès que le son y passait, c'était Cozy mon thermomètre. Dès que le son y passait à la radio, il m'appelait depuis le start. Oh frérot, ils ont big up le son, tout ça, c'était bon. Cozy, obligé de ramener la famille fraîchement déballée. Ça fait plaisir. D'ailleurs, big up à toi aussi, Fred. Hein, t'as envoyé beaucoup de force de là-bas. On a envoyé quelques dédicaces, quelques messages. T'en as envoyé tout le temps des dédicaces, des messages. Et franchement, gros big up, ma gros dash. Tout le 9-1 qui est là, on est là pour faire du bon peura, gros. Et on t'attend aussi, toi, pour courant de l'année 2014. Ça va arriver. Je vais t'envoyer l'exclu dans 2 semaines. Très bien. Donc, dans 2 semaines, on aura un gros titre en exclu. C'est le retour du 9-2, gros. Du rap Kaira, comme on a l'habitude de faire. Mm-hmm. Tu vas voir. Et bah terrible, merci Cozy d'être là. Il y a aussi Squat qui est derrière toi que j'ai vu. Rockin Squat, Mister Assassino qui est là dans le building aussi. Il y a du monde hein. Il a posé dans l'album, on a fait un gros sommet, je pense que c'est celui-là qu'on va se jouer. Yeah, il arrive en l'arsène en direct quoi. T'as vu ou quoi? On vient, il y a vibration. Il y a les vibrations quoi, direct. Non, mais on donne de la force hein, t'as vu? Godash, ça fait longtemps, on est là. Bah il y a eu la tournée ensemble. Il y a eu la tournée, il y a eu plein d'autres choses, mais bon, c'est mortel, voilà. La mixtape sort enfin. C'est le plus brésilien de Kinshasa. 31 mars dans les bacs, Bandana et Purple Eyes. Boum, boum. Merci à Squat d'être là dans le coin. Donc, on repart sur quel morceau Attends, il y a aussi Missa qui est dans le coin, là, obligé, il va lâcher un petit mot. Vas-y. C'est quoi les G's? Dash, ouais, Missa au contrôle. Bien, Escadron. Ça va? Quoi, Fred? Ouais, tranquille. Cool. Ouais, on est venu représenter pour le frérot. Moi c'est Escadron 91 DGC pour ceux qui connaissent. On représente aujourd'hui aussi un gros big up à la famille Unlimited pour tous mes gars. Yeah. Et Dash Gros hein, le 31, donc vous avez compris. Hein, allez chercher, gros big up à Dash. T'as vu, comme vous a expliqué, le 91 c'est une famille, on est là pour soutenir. Donc Bandana et Purple Lays, et pour vous, et pour toi, et pour vous, pour l'équipe, qu'est-ce qui va sortir? Bah ouais. Écoute, nous il y a plusieurs artistes, il y a Niax, c'est un des artistes avec lesquels je travaille qui arrive bientôt. Eliman, Dex, et puis moi, ce sera normalement courant mai. Si tout courant mai. Sud Salle volume 1. Yes. Allez le chercher. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, bah vous découvrirez. Pour ceux qui connaissent déjà, ils savent à quoi s'en tenir. Yes. Au mois de mai 2014. Voilà. Et il y a mon Mogo, mon Niaga de la Carabine, from Corbeil, qui est là aussi dans le building. S'il peut placer un petit mot avant qu'on envoie le son avec Tosqua. Yeah boy, la Carabine, Blue Magic, Corbeil, on est venu soutenir le Frollo, t'inquiète pas. Gros dinge, projet lourd. Igo, faut aller chercher ça. Iso, Shizo. Donc, alors là, on va mettre un morceau qui fait quoi? Partie des morceaux bonus, c'est ça, de la version? Voilà, un morceau bonus sur l'édition Deluxe. Deluxe. Pour les books Deluxe, tu vois. C'est le morceau Être et Avoir avec Mamento Squad. Un gros fucking track qu'on a déjà bastonné sur scène. Les gens, ils ont encaissé ça comme s'il était sorti déjà depuis 6 mois. Donc, on est obligé de se le balancer là aujourd'hui fort, là, dans les enceintes. Et après, gros freestyle juste après. Les négros sont genre. Qui a les plus grosses? Arrêtez les gars, vous avez plus de flow, vous avez plus de mots, vous avez plus de show. Laisse faire les real, mon gars, sérieux dans nos affaires. Laisse-moi kicker, laisse-moi rêver, laisse-moi voler, laisse-moi parler, laisse-moi kiffer, laisse-moi être. Laisse-moi rouler, laisse-moi croquer, laisse-moi toucher, laisse-moi créer, laisse-moi parler, laisse-moi être. Laisse-moi kicker, laisse-moi rêver, laisse-moi voler, laisse-moi parler, laisse-moi kiffer, laisse-moi être. Projet de vie, envie d'être, envie de mettre la barre tellement haute qu'ils veulent me couper net. Ma planète, mon pays, mon flow, un ennemi. Passant des décennies, léger comme un colibri. Je m'amuse pendant que les autres sucent, fusent. Patrimoine mondial comme si ça fuse. Plein de russes, clic-clac, des milliers de titres en boîte. 1 million de skulls en snack, 1 milliard qui chantent mes talents. Je ne suis pas ton rappeur favori, pur produit de l'industrie. Plutôt celui qui pose des bombes dans ce game de pression. Jamais au chemin. Je suis mon propre patron, en fin de peloton ou en pole position. Stabilité de la nation, sous la voûte céleste, ma magie se diffuse. Une vérité sera toujours plus profitable que 1000 excuses. Être ou ne pas être, être et avoir, avoir ou être. 1000 façons de mourir ou 1000 façons de nous la mettre. Laisse-moi kicker, laisse-moi rêver, laisse-moi voler, laisse-moi parler, laisse-moi kiffer, laisse-moi être. Laisse-moi rouler, laisse-moi laisse moi kicker, laisse-moi être. Laisse-moi parler, laisse-moi kiffer, laisse-moi être. Laisse-moi rouler, laisse-moi croquer, laisse-moi toucher, laisse-moi créer, laisse-moi peur, laisse-moi être. Lâche-moi vite fait, laisse-moi kiffer, laisse-moi kicker, merde. Serre-moi le JB, prépare le DJ, que je traumatise des merdes. Tape pas le 17, juste les pompiers, flow machine de guerre. On a fumé Blue Magic, tu peux t'être chier sur ta zip de merde. Toujours sérieux dans nos affaires, dans les 10. Je deviens nerveux, plus que les tarspés font des 10. Le grave du rêve, des fois c'est mieux que vendre du shit. Si t'as quitté la bande du vice pour rejoindre les bandes de glisse. Rockin' Squad me fait des passes de water. Ferme bien ta l'œil, cheesy, cheesy, passe le water. On a du kicker 4 fois, flashback dans ta vie. Passe dans ta gueule, classique comme une watts de flavor. Je continue, tatouiller mes petites chansons. Prends pas ton avis, ferme ta bouche, t'es bien mignon. J'ai passé l'âge de la branlette, j'économise mes petits champions. J'ai peut-être un Messi dans les couilles, ça peut rapporter des millions. Des millions. Laisse-moi kicker, laisse-moi rêver, laisse-moi voler. Laisse-moi parler, laisse-moi kiffer, laisse-moi être. Jesus. Laisse-moi rouler, laisse-moi croquer, laisse-moi toucher, laisse-moi créer, laisse-moi parler, laisse-moi être. Laisse-moi kicker, laisse-moi rêver, laisse-moi voler, laisse-moi parler, laisse-moi kiffer, laisse-moi être. Divine Astro, baby. Laisse-moi croquer, laisse-moi toucher, laisse-moi créer, laisse-moi parler. 31 mars dans les fucking bacs. Dans notre vibe, mon gars. C'est la nocturne avec Gros Dash au contrôle et l'album qui sortira lundi, Bandana et Purple Haze. On écoutait le morceau avec Rockin' Squad, ça fait partie de la version Deluxe qu'on peut précommander dès maintenant. Hein. Dès maintenant disponible les gars, faut choper ça, c'est du gros titre, du gros hip-hop, des grosses connexions sur des grosses fucking prod. Donc voilà, le titre c'était Être et Avoir avec Rockin' Squad, un frérot avec qui on a pas mal marché là depuis déjà 3-4 ans là. Et attendez-nous à nous voir encore ensemble sur scène. Et les frérots ils font la cigale là bientôt. C'est quoi la date de ce quoi? 31 mai, la cigale assassin. Les places elles sont encore dispo, ça part comme des petits pains. Arrachez-vous ça les mogos. Yes, avec Roca en première partie. Allez, on attaque cette grosse session freestyle. Je crois que celui qui va ouvrir s'appelle Cozy, il est là avec nous. Monsieur. Ouais, monde ou quoi pour la nocturne de mon gars Dash? Ouais. Y'a du monde ou quoi? Ouais. Allez, le pêche au lundi, c'est du lourd. Dédicace à tous les gars au D1. Ça fait. Dans la street, y'a pas de secret, non, non. Nous, on connaît vos stories. De vrai. Pas besoin de coller mes poteaux. Mes coronets sont assez solides. Perquise à la première, hier pris, c'est pas dégueulasse, c'est horrible. Les youvois vont t'utiliser, pute, laisser tout part comme le Vélib. Le mot d'ordre, c'est faire du bif. Vesquer les Schmitt et vivre à l'air libre. En cas de rage, un poteau, non, panique, ça vire au calibre. Même si t'abois, mais tu mords pas sur ton dos, y'a la brigade canine. Portrait, repos, fêché, prince de ma ville comme le poteau Karim. Ils veulent app nous médiatiser, sont traumatisés par les mecs de Tessie. C'est pas parce que Sarko n'est plus là que Majora a rétréci. Comme dans Call of Black Ops, Nyama, dans le réseau, je suis net et précis. Higo, quand t'es dans la demeure, plus son père ne veut te sentir. C'est toujours ceux qui jactent trop qui se mettent à l'abri lorsque ça tire. Le bif, le gros bzézel, les gros Masoko, y'a que ça qui m'attire. Trahir mon bled pour des pesos, non merci. Si je préfère partir en martyr. Cafal, Despi, Bata, Zuba, Rafale, avant que je tire. Yeah. Cozy Z. On voit ça, on voit la prod pour les gars. Yeah. Mister Shiza. Yeah. Mister Shiza. Yeah. Pousse à fond, manga pousse à fond. La Jojo est flambante neuve, donc vas-y, touche pas la son. Tu me rappelles tant. Il faudra pousser la fonte. Pendant que je nourris mes poumons avec la couche et la sconce. J'empoche un million et on stag là. Y'aura pas de reste, mon go access à 2-3 pipes. J'fais les bye bye night. Pendant que tes bitches descendent dans la vitesse de ma timeline. Business comme mon DJ, business comme mon DJ. Discret mais officiel, fous la jaunisse dans la business. Perdu comme Popeye, positif à l'alcotesse. Confiant dans la chaussette, positif à l'alcotesse. Catégorie rue, à fond la caisse, dans toutes les pièces, je crois que ta catégorie rue. La caisse, pour que les mecs jamais mettre les flics en recul. Pas de caisse, pas de temps pour les Patrick Fioriture. Tous mes consorts, tu fricotes avec mes sales necks. Ta meuf reste au sol, mais elle fuck avec les flymen. Pas le temps de chiller avec des putains skin gratte. J'suis dans les liasses tellement big, les élastiques parole de vrai bouc, 40 hèches dans les boules. Des magnums de Grey Goose, des chargements V12. J'ai vu Rocky 4 morflé à l'hôpital d'Orsay. Toujours de fin de télé, je jongle Moby 4 forfait. Différent, tu n'auras pas de tirage. Voilà Ish, le président du rap à chaque syllabe. Jacques Chirac, check. Si cette nature me rend triste, j'aime quand ma voiture se vide et que mes poches se remplissent. rock. Personne n'a cru en ma résurrection. Désormais tout le monde revient voir Ichu et Juel le Fion. Donc préviens tes amis que ce ne sont pas les rimes d'un mytho. Pour les transforme ton intérieur comme Valérie David. La cagoule on va l'enfiler, on déboule ça par en brique, annoncé et camombrin. La buzz consume les darons pris, les tensions du rien que s'empire. Râle cul de cette vie sans garantie, donc par mon bif s'attire. Toujours en Afrique, je garde contact. Les frérots, je ne les oublie pas, ceux du bled comme ceux du fond de classe. C'est fly, man, c'est du gère, tout en haut du fucking building. Trouve mes liasses devant tout le monde, tu pas fucking public. Ramenez les putes, sortez la tease, laissez vos petites sœurs. C'est fast life, j'ai les gyrophares dans le rétroviseur. Rien de ma timide, même pas toutes ces nasses, mais rien que tu parles, moi lave-toi la bouche avant de nous sucer la queue. Yeah, le 31 mars pour mes fly mogo. Yeah, Juicy. J'ouvre le feu sur toi comme Barthélie, jazz dans les rues de Dakar. Ou pas dans le boss, le 9-1, j'suis autodidacte. Y'a pas chez Nux, mais ton mécontentement. On te met dans le coffre comportement et tes potes paieront proprement. Plus à la menthe, ces négros sont des dragés. Je leur âme, sont plongés. Juicy B de la LMC qui est Monsieur Juice. Votre cahier de cheese, les aime coquines et fumant la jet. Si t'es rival, on le fera dans toutes les pièces. Quand on pire fait de grands écarts, va y avoir du sexe. On fait ça de façon bestiale. J'suis dans le cosmos, les yeux plissés, négro, j't'en richale. J'suis comme Florent, face à Emma, du gang des barbares. Tu me fais péter un top, monte sur la table que j'te démonte, Anne. Ça finit une trance, j'fais pas dans la romance. Rêve de Ferrari et un de ces quatre, on tapera de Laurence. LMC, LMC, LMC, click. LMC, LMC, LMC, click. 31 mars, bandana, purple, purple, purple, purple. Tu connais les dits, tu connais les bails, tu sais ce que j'ai fait sur le ghetto. Je n'ai pas le double ambiance, je suis messieurs, je n'ai pas le temps de bluff, je suis tout assez chaud. Un mec qui me laisse dans les vagues, dans les blocs, dans les becs, dans les gangs criminels. Dans mon rap, quand je frappe sur le beat, beat, je débarque dans les clips, pas le dalle, je tire, on est à charger comme un galop quand je cause des dégâts. Tu ne peux pas me stop, non, dans le rap bloc, je fais un snot et je boycotte le rap, tu fais un snot. Je le flanc qui te baillera. Si tu me connais, je gagne le black plat. J'ai le vaccin pour les Français, je vais les vexer. Et le rap, je vais boxer. Faut de boxe, je suis en vacances du sud. Sale, classé, yeah. Chalny, graisse. Si tu connais pas, quand je fais mes bails, c'est des rigales, draft, bye. Bye, bye. Normal, j'ai mon impression de façon brutale. L'officiel, fort du commun des mortels, rien de tel. Quand je fais mes bails, faut que ça graille, faut que ça draft, bye. Faut que ça fasse mal, c'est que j'ai la dalle. Mais ne m'en de bonheur, rester stain. Quand je kill, bien évidemment, j'ai les balles. J'ai la maîtrise, vis, organise. Depuis 10 pistes, mon système est guillé, je l'emprise. De mon plus un point de vie. Bandana purple, hey, Jésus, 31 mars. Et lui, le WS1, c'est pas les G. 9-1, tire sur un autre négro. Mettre la pub dans la game. Bandana purple, hey. Envoie-nous ça, Biggie, envoie-nous ça. Bandana purple, hey. Bandana purple, hey. 31 mars. Ton téléphone est bien, mais sur écoute. On lit pas mon avenir dans des fucking cars. Pour moi, je vois venir du bif pour toi, des fucking cars. Je me fous en l'air avec ma fucking chest. Tu le vois pas dans mes yeux, j'ai mis ma fucking juice. Pour les saluer de loin, je lève mon fucking pouce. À part les grosses mecs qui font des fucking plouf. Je revois là dehors, j'tiens plus un fucking place. Toujours le même, toujours le même sang de fucking glace. Fucking most bandana. Putain c'est trop atroce mec, yeah. 350 punk. Yeah, yeah. She's a musée. Bandana. Et le con. Bandana. Bandana. Manga FMV. Manga fucking bluffé. Dealer, dealer. Braque cette monnaie. Braque cette monnaie. Trahi pour cette putain de monnaie. Les négros cherchent leur fils qui t'a fouillé dans la merde. La merde. Le 9-1 revient prendre les contrôles du rap game. Hé hey Fred, envoie la sauce s'il te plaît. Tire sur un autre négro. Cherche pas trop les négros du 9-1 négro. Bandana et purple ace. Cherche pas trop les boucles de Paname, ça peut chier. Cherche pas trop DJ Mist. Cherche pas trop gros d'Achizel. Cherche pas trop Missa. Cherche pas trop Biggie Moss. Cherche pas trop LMC Click négro. Cherche pas trop les Julis. Bye man. Shizel. Bandana et purple ale, purple ale, purple ale, bandana et purple ale, purple ale. Hey, rodage, dealer, prends cette monnaie, prends cette monnaie, trahi pour cette putain de monnaie. Négro cherche le ralice qui t'a fouillé dans la merde à main nue. Reste pas du côté des banlers, comme mon frère nous attire. Tu débattes, mangle en corner, ambiance boujadine. fou, j'suis dans le cri. J'ai pas de sous, j'suis au fond du puits. Je n'ai pas déçu. Réalisez-moi, je suis. Je sais même pas qui je suis. La barre de sucre, la passe me suit. La street nous a séduit. Peu de faux, j'en déduis. Allez, au volant, je conduis. Viens, toi, ça me réduit. La donne volante, toi, qui font tuer. Comme un seul volant, plaque de la musique. Écoute, je suis plein, non, des vestiges. Crise attentat au missile. Les plus foulettes sont là, tous physiques. Sans arrêter les keufs de mon physique. La nuit qui s'est planquée dans mon étui. Je vais atteindre une autre réalité. Prends une autre dimension comme équipe de Paris. Tire sur ce négro comme si c'était rien. Frère extraterrestre, bas les couilles, c'était rien. Cœur glacé négro, je ne suis plus humain. Au bouton d'auquel je fais des tractions d'une main. Comment je rappe, c'est inhumain. Inhumain. Si son mort, on chargera de les inhumer. Inhumain. À coup sûr, c'est pour le calumet. À coup sûr, ils voudront partager le calumet. Mes jours de paix égale à jour de paix. On augmente les ampères. LMC, on fait bouger la tête de leur père. Et on se couchera devant ça, un père. Ça transforme la maison des négros en sanglant cimetière. Corbillard et civière. Et si elle est bonne, on se tapera à l'infirmière. Tire sur ces négros comme si c'était rien. Tire sur ces négros comme si c'était rien. 31 mars, Purple Ace, Bandana. Tu peux prendre attends. Il faut faire une avenue comme il se doit. Un maximum de bruit pour le pilier, un des piliers du rap français. Son crew, assassin, futur incertain, mais pole position son terrain. Quand le hip-hop devient le moyen de redonner de l'espoir aux gamins, aux gamines, aux anciens, aux vermines, rocking, rocking, sur place, toutes les gars, si c'est jumping, jumping. Mon expression vaut toutes les manifestations, et quand je crois ta station, on se souvient de ma prestation. Rappelez-vous qu'avant, aucune radio ne jouait du hip-hop, et aujourd'hui, ils veulent tous transformer notre musique en pop. Une basse, une bass-drum, un charlet, une caisse claire. 15 ans de carrière, la justice nique toujours sa mère. Yeah man, faut être sérieux dans nos affaires. Je pousse le flair sur les dance floors, dans les enceintes pénitentiaires. Des crocs à corps qui résistent dans la misère. Yeah man, Rocking Squad, Rocking c'est squad. Sa mère. Bandana, Purple Haze, 31 mars. C'est quoi les vies, c'est quoi les barres? Je tourne en rond, je suis sur un rond-point, je vois aucune sortie. Je passe mon temps au bar du coin, je suis dans les paris sportifs. On discute pas, on tape du poing, percé par les mauvaises surprises. Bon à rien sauf dans la drogue, pour nous attendre d'entreprise. Cada freestyle, c'est numéro 2. Tout sans il la roue avant Vécreux. Pousse-toi vite quand j'allume le feu. Ah, laisse-toi la serre, je veux. La concu a mal au crâne, je l'ai trop tiré par les cheveux. Je suis en concert, je suis au-dessus des flammes, je m'en sers pour allumer ma peu. Une fois d'air dans les hôpitaux, tes mains, mon nez, c'est sud d'hôpitaux. Toi t'es qu'un hôpite, j'aurais ta poste, tu fais le comique. Mortel chronique, bombe dans le comico, mes acolytes, des frères mus, des dealers et des alcoolos. Vas-y mollo, on n'est pas des putes. Dis-le à lui, il va le dire à l'autre. Change de puce, il s'agrésit quand on dit allô. Trop de pute, j'ai petit marmot. C'est ça. J'parle au pire comme Fantagaro. J'm'adapte partout, caméléon. Tu peux le rappeler, Jarod. Tu piges, je suis l'Indien qui tue le western. J'ai vu circuler plus de bifton qu'une caissière. Que je crève, c'est ce que ces fils de pute espèrent. Mais personne me baisse comme une actrice de Hugh lesbienne. Ils martyrisent une caisse claire. Ils ont tous lâché le game et il n'y a presque plus de vestiaire. Moi, je suis briseur de nuque expert. Ta meuf se branche n'importe quel genre disque dur expert. Avec Chizo, on fait notre propre musique. Bande de fidèles, je vous trouve beaucoup, beaucoup trop philanthrope. Tu suis jamais crevé, je suis ma propre rustine. Ils sont coincés dans la neige. Des philosophes husky. Les MC sont du genre translucide. Les verts les dévorent, c'est quiche est en mode morgue. Musique, tu piges, bambo clutch, rap avec la lame à Rambo 3, capable de découper n'importe quelle langue de bois. 31 mars, bandana, Purple Haze, gros dash des halls, le 9-20, viens prendre le contrôle du rap français.